Une transaction est imminente dans le cas de Giancarlo Stanton. Selon ESPN et selon John Borosi de Fox Sports, Stanton aurait maintenant à choisir entre les Giants de San Francisco et les Cards de Saint-Louis. Et comment que c'est, depuis que Derek Jeter est rendu le nouveau propriétaire des Marlins, ben on est chanceux, on va parler avec un gars qui est natif de Saint-Félicien en passant, que vous avez déjà entendu à la voix radiophonique des Expos avec Jacques Doucet. Il est maintenant du dépisteur des Marlins de la Floride, c'est Pierre Arsenault. Bon matin, Pierre. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Pierre, en passant, c'est vrai que tu es natif de Saint-Félicien, hein? Oui, c'est vrai. Je suis né à Robertval et puis mes parents habitaient à Saint-Félicien, mais à l'âge d'environ un an, on a déménagé vers Ottawa où mon père avait été transféré en raison de son travail. Alors, j'ai pas eu la chance vraiment de grandir dans le patelin du lac Saint-Jean, mais c'est toujours quelque chose qui est proche de mon cœur et je suis retourné à quelques reprises, surtout en raison de tournois de baseball, tournois d'hockey pour mes garçons. Alors, c'est une place que j'aime visiter. T'as-tu la parenté encore? Les ondes non, des temps? Non, c'était un transfert d'emploi. Alors, c'était vraiment là, mon père et ma mère qui avaient déménagé là-bas. Ah, OK. Pierre, depuis moi, je compare ça un petit peu aux Expos de Montréal quand Jeffrey Loria avait acheté les Expos. Les Marlins à Floride, c'était pas facile non plus, les assistances et ainsi de suite. Et arrive Derek Jeter, arrive un grand nom du baseball. Me semble que c'est l'espoir qui renaît en Floride. Je me mets dans la peau d'un partisan des Marlins. Puis là, on se prépare à échanger Giancarlo Stanton, qui est le meilleur joueur, qui est un petit peu comparable si les Expos avaient échangé Pedro Martinez, le genre. Est-ce que je me trompe en disant ça? Puis quelle est la réaction des gens en Floride? Pour te dire la vérité, la réaction, je pense, un peu mitigée. Je pense que les gens, c'est certain qu'un partisan ne veut pas voir. C'est comme tu viens de faire allusion à Pedro Martinez. Mm. Quand Pedro a été échangé de Montréal, on savait tous que c'était une question d'argent et puis les partisans étaient très, très, très déçus et avec raison de voir Pedro partir. Mais dans notre situation, avec Derek Jeter puis M. Sherman qui s'amène comme propriétaire des Marlins, ben eux, ils ont eu accès aux livres et ils ont accès justement à tous les chiffres qui sont associés aux Marlins de la Floride. Alors eux, ils ont des décisions à prendre comme propriétaires. Et aussi, eux, ils veulent que la franchise, ça fonctionne en Floride, pas juste pour un an, 5 ans, 10 ans. Eux, ils aimeraient ça vraiment établir une franchise qui est solide en Floride. Alors, il y a des décisions qu'on doit prendre. Là, dans le cas de Giancarlo Stanton, il n'y a rien qui est fait encore. Et pour être bien honnête avec les gens, c'est sûr qu'on voit les rapports de ESPN et enfin tout qui disent que ça va être soit San Francisco, Saint-Louis. Mais nous, de notre côté, on fait notre travail. On fait notre travail dans le sens qu'on se prépare à toute éventualité. Il faut toujours se préparer quand il y a des équipes qui se manifestent dans ce dossier-là. Faut être prêt pour essayer d'aller chercher le plus de joueurs possible, le plus de talent possible. Alors, pour moi, je peux pas vous dire où il va être échangé parce que j'ai aucune idée s'il va être échangé ou à quelle équipe il va être échangé. Parce que ça, c'est des choses qui vont être décidées dans l'échelle salariale qui est plus élevée que la mienne. Alors, c'est des décisions qui vont être prises. Moi, je trouve ça, c'est un peu comme le mois de juillet au baseball, quand la date des transactions approche le 31 juillet. Moi, je vois ça de la même façon, où à chaque année, habituellement, j'ai une organisation avec laquelle on tente d'échanger peut-être certains joueurs ou avoir des pourparlers sur certains joueurs. Alors, on se plie vraiment là sur l'organisation. On épine tous les joueurs de Ligue mineure. Alors, c'est ce qu'on fait présentement dans le dossier de Stanton. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas s'il va être échangé, où il va être échangé, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'on travaille très fort en ce moment là avec les organisations pour essayer d'aller chercher le plus possible si jamais une transaction a lieu. Pierre, comment est le moral des employés à l'intérieur du bureau? T'sais, je me mets dans la peau dans le temps des Expos, Loria, c'était pas facile, et ainsi de suite, il y avait une morosité, là arrive Derek Jeter. Le moral des employés, les dépisteurs, est-ce que vous avez eu des coupures de budget? Est-ce que vous avez les mêmes budgets que l'an passé? C'est tout ça qui arrive là, quand un nouveau propriétaire arrive. Ben, ça a été difficile. Pour être bien honnête avec toi, au mois de septembre, là, ça a été très, très difficile parce qu'il y a Il y a des postes qui ont été abolis. Il y a des gens, ouais. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi au mois de septembre et au début du mois d'octobre. Alors, nous, on savait pas exactement sur quel pied danser au point de vue de dépisteurs professionnels, dépisteurs amateurs, parce qu'on a vu certains collègues partir être congédiés. Mais la chose qu'il faut se rappeler, c'est que Derek Jeter, il est arrivé avec lui, il est habitué à la culture des Yankees. Lui, il a vécu seulement de l'expérience d'une organisation. Et quand je dis ça, c'est à son crédit. Parce que c'est rare qu'un joueur va jouer toute sa carrière, puis lui, il a eu toute une carrière comme joueur, ouais. Et aussi comme ambassadeur, hein, aussi comme ambassadeur avec les Yankees. C'est un gars là qui sort de son résumé, là, il n'y a pas de tâche. Là. C'est un gars qui est un capitaine. Il a tout fait les bonnes choses pour l'organisation. Alors, moi, je trouve que c'est un vent de fraîcheur aujourd'hui, après avoir passé la période difficile du mois de septembre, octobre, sans savoir qu'est-ce qui était pour arriver. Là, je trouve que les employés, les gens qui sont encore en poste, on a un genre de regain de vie dans le sens qu'on se dit, OK, là, on va avoir une nouvelle approche, faut être ouvert et il y a peut-être de très bonnes choses qui vont arriver aux Marlins de la Floride dans le futur. C'est sûr que c'est négatif quand les gens passent à Stanton ou à Steve ou à ça. Moi, je regarde vraiment là. Je pense que la lumière au bout du tunnel, c'est pas un train qui s'en vient. Moi, je pense que c'est vraiment la lumière qui va peut-être aider l'organisation à avoir du succès dans les années à suivre. Parce que Giancarlo Stanton, oui, est spectaculaire. Oui, c'est un frappeur de puissance, mais dans le fond, il vous aidait pas à vendre plus de billets. Là. Oui, c'est un marché qui est assez particulier. Ouais. Je pense que c'est une des choses. Ben, tu sais, on peut pas comparer les deux marchés parce qu'on parle de climat et de différents pays. Mais Montréal, Floride, c'est un peu la même chose. On avait de la misère à tirer les gens à Montréal. Quand on gagnait, il y avait pas de problème. Mais quand l'équipe connaissait des difficultés, et souvent les difficultés c'était relié au manque d'argent. Et parce qu'on l'a vu hein, avec les expos, on a vu tous les bons joueurs que les expos ont développés et par la suite quitter avant même qu'ils aient la chance de vraiment s'établir comme étoile à Montréal. Fait qu'on vit un peu la même chose parfois en Floride, mais c'est quand même, je pense, un marché qui est capable de soutenir une équipe, surtout que là, il y a un nouveau contrat de télévision qui devrait être en place dans les années à venir. Alors, je pense que il y a beaucoup de travail à faire pour mettre un peu plus de lustre sur l'organisation, mais on a un très beau stade. On a encore de très bons jeunes joueurs, alors je pense que le noyau est encore bien placé pour avoir succès dans le futur. OK. Je veux te parler du dossier, parce que tu viens de parler du marché de Miami. C'est sûr que là, t'es avec les Marlins, mais il y a le dossier de Tampa Bay qui est vraiment relié à celui de peut-être du éventuel retour des expos. Au moment où on se parle, j'en ai vu passer ça que Stu Steinberg, qui est le nouveau propriétaire, qui est le propriétaire des Rays, travaillerait évidemment, aurait trouvé un emplacement pour construire un nouveau stade. Il a mentionné même ça qu'il allait mettre de l'argent dans le nouveau stade. Mais sauf que ça fait 10 ans que ça existe, ce problème. Pourquoi demain matin, là, qu'il y aurait une solution, là? Est-ce que tu crois à ça vraiment? Est-ce que tu penses que les Rays sont condamnés? Comment tu vois ça, étant donné que tu connais très, très bien le marché de la Floride? Encore une fois, il faut que je compare Montréal dans la même situation, dans le même contexte. Combien de fois qu'on parlait du stade olympique, que premièrement, le stade, c'était pas un endroit idéal pour regarder un match de baseball. Les gens n'aimaient pas se déplacer là. C'était pas dans un endroit qui était propice pour les gens de la Rive-Sud ou les gens de l'ouest de l'île, les gens de Laval, surtout avec les problèmes de circulation. Alors, le stade a toujours eu, et je pense que le stade a été condamné, comme tu veux peut-être parler de celui de Tampa, a été condamné le jour qu'il a été construit, quand on a vu combien que ça coûtait. Je pense qu'on avait tout un mauvais goût de la bouche. Alors, on n'a jamais apprécié ce stade-là. Et Tampa Bay, c'est un peu la même chose. C'est un stade qui est désuet. C'est pas un endroit qui est le fun à regarder un match de baseball. Pas à cause qu'il y a un toit, mais c'est gris. C'est pas. Y a pas une ambiance de baseball quand tu rentres dans l'amphithéâtre. Pierre, je regarde. Oui. Là, je l'ai vu à la télé, là, mais c'est pas mieux que le stade olympique actuellement, le Tropicana Field. Est-ce que je me trompe en disant que c'est peut-être même pire que le stade olympique? Ben c'est pas moi j'avais moi comme employé quand j'étais avec les expos, j'avais aucun problème avec le stade ouais. olympique. Je trouvais que c'était un avantage pour notre équipe. Mm. Mais moi j'ai jamais aimé le Tropicana Field à Tampa. J'ai jamais aimé okay. dans ce théâtre. Là, je sais pas, c'est ça il y avait aucun reflet de l'image de la ville où le stade se situait. Mais il y a aussi le fait que les gens comme Montréal, c'est un endroit où les gens aiment pas aller. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce que j'ai jamais vécu dans ce coin-là. Et les gens ont toujours dit que le stade n'était pas dans le bon endroit. Mmh. Alors, c'est pour ça que Steinberg, le nouveau propriétaire, lui, a essayé de trouver des solutions. Puis il y a un bail qui est horrible avec ouais. La ville de Saint-Pétersbourg. Alors, lui, il essaie de trouver des solutions pour justement faire comme Montréal voulait faire. Montréal veut un stade au centre-ville. Ben, c'est un peu la même chose avec Tampa. Ils veulent déménager dans un endroit où les gens, ça va être plus facile pour se déplacer, pour aller voir des matchs de baseball. Alors, c'est pour ça que je compare les deux villes, dans le sens qu'ils ont deux stades qui sont pas les plus beaux et que l'accès est pas toujours facile et que les gens aiment pas aller. Fait que, puis Tampa a toujours joué dans le même stade. Puis je pense que c'est le bail qui a fait en sorte qu'ils ont jamais été capables d'explorer d'autres avenues, mais là, je pense qu'ils sont capables parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais pourquoi ça fait 10 ans qu'on essaie de demeurer à Tampa? Oui, on essaie de faire. Ça fait 10 ans qu'il y a le même maudit problème, puis là, on essaie de. Puis soudainement, il arriverait. Tu sais, il y aurait une solution. C'est ça que je trouve bizarre. Là. Pourquoi? C'est ça que je me dis. Coudon, est-ce que le projet est mort? Est-ce que les Rays sont morts? T'sais, ça fait 10 ans qu'on trouve une solution. On essaie de trouver quelque chose. C'est pour ça que je me dis que peut-être que c'est peine perdue pour les Rays. Là. Mais Pierre... Ouais, ben c'est pas facile parce que Montréal, c'est un peu comme ça. À Montréal, on développait de très bons jeunes joueurs ouais. dans un environnement qui était difficile en raison du stade, mais c'est la même chose à Tampa. Dans les dernières années, ils ont développé de très bons jeunes joueurs, ils ont eu de très bonnes équipes, mais ils n'ont pas le support justement dans les estrades, dans les gradins. Ouais. Mais Pierre, il faut comprendre... Tu sais, les gens disent le stade olympique. Il faut avoir assez des matchs aux États-Unis pour comprendre vraiment que le stade olympique, c'est pas un stade de baseball. Ça n'a jamais été un stade de baseball. Tu sais, premièrement, un stade au centre-ville en plein air l'été, ce serait l'idéal. Tu sais, j'ai été il y a 2 ans à Cleveland et à Pittsburgh. Il y avait des feux d'artifice en plein mois d'août. Donc, c'était pas rien que le match de baseball comme tel. Là, c'est tout un happening autour du match de baseball. Là. Puis ça, tu peux pas faire ça au stade olympique. Non, t'as entièrement raison. T'as raison. Pour les États-Unis, c'est vrai que les stades, la plupart sont dans le centre-ville des villes et sont très bien situés et les gens aiment se déplacer. Mais moi, je pense que Montréal, c'est quand même une très, très bonne ville de baseball. Il y a plusieurs. Il y a des milliers de personnes qui adorent ce sport-là. Et moi, j'ai aucun doute que si le baseball revient à Montréal, moi, je pense pour moi, ils devraient jamais mettre les pieds dans le stade olympique. Moi, j'aimerais voir une franchise arriver à Montréal et s'établir dans un nouveau stade pour que le commencement et le début de la nouvelle franchise soient parfaitement entourés. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais mieux les voir dans un nouveau stade que les voir au stade olympique pendant une saison ou deux. Parce qu'il faut que ça soit tout frais, tout nouveau. Parce que c'est ce que les Montréalais ils méritent d'avoir un beau stade au centre-ville comme les autres villes américaines qui sont même pas aussi grosses que celles de Montréal. Oui, effectivement. Pierre Senault, merci beaucoup. Très intéressant. Puis on surveille évidemment cette transaction. Puis ça peut arriver même que je te rappelle lorsque Giancarlo Stanton soit changé. Hey, ça me ferait plaisir. Toujours un plaisir de vous parler. C'est imminent. Ça devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Les assises commencent vendredi, samedi. Donc ça devrait se passer à ce moment-là. Okay. Pierre Arsenault, député des Marlins de la Floride.